Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. On va parler avec, on va essayer de faire le tour des joueurs québécois qui évoluent dans le baseball mineur cet été. Je ne sais pas si on va réussir à parler à tout le monde, mais on a réussi à en parler à un. Il connaît une bonne saison, filial A des Astros de Houston. Je regarde sur Baseball Reference au moment où on enregistre le podcast. Abraham Toro frappe pour 258. Jacques Lanceau m'en a parlé souvent et on l'a en bout de ligne, on l'a rejoint quelque part aux États-Unis. Salut Abraham! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui, je suis sur Baseball Reference au moment où on enregistre l'entrevue. Donc, t'es au A+, donc j'imagine... Moi, je suis beaucoup les Blue Jays. Là. C'est sûr que c'est pas la même ligue que les Blue Jays, mais les Blue Jays d'Honeydon, c'est le A, c'est la ligue de la Floride. Toi, t'évolues dans le même style de calibre, le même calibre, mais en Caroline, c'est ça? Oui, c'est exact. OK. Et ça va bien ta saison, hein? Ouais, ça va bien, ça va bien. OK, 258 de moyenne. C'est, ouais. Est-ce que c'est ce que tu t'attendais? C'est sûr que je m'en attends un peu plus, mais je suis pas inquiet. Je pense que je vais pouvoir le monter très bientôt. OK, t'es un frappeur gaucher, c'est ça? Je suis ambidex. T'es ambidex, OK. Ça, c'est un atout, hein? Ouais. OK, ouais. Ça, c'est un atout qui pourrait être intéressant pour toi. Tu me disais que tu jouais... Jacques Lanceau me disait que l'année passée, tu évoluais comme receveur. Oui. Cette année, tu joues comme troisième but. Pour quelle raison? Dans le fond, l'année passée, on essayait de me convertir comme receveur. Juste pour la simple raison, il disait que si ça marchait pas avec mon bâton, mais j'avais le bras et la capacité de receveur. Mais cette année, ils ont changé d'idée et ils veulent que je continue à jouer au troisième but à tous les jours. Toi, défensivement, tu te débrouillais-tu pas pire? Comment diriger un lanceur et, comme receveur ou c'était difficile? C'est sûr, c'était un peu difficile. J'ai de la misère pour commencer, surtout pour bloquer la balle et lancer sur les buts. Mais à la fin, je commençais à prendre le beat un peu à ma... OK. Puis ça, c'est de valeur un peu, parce que moi, je t'aurais, comme receveur, c'est une position quand même difficile à... Mais par contre, il y a plus de possibilités, là. Ouais, mais... ouais, peu importe la position, moi, je veux juste continuer à me développer, à monter les niveaux. Tu étais un bon producteur de points, je pense que t'es... ta moyenne était quand même intéressante. Et t'as 258, c'est coup-ci, coup-ça. Mais par contre, si ta moyenne en position, avec des positions, des joueurs en position de marquer, ça, c'est meilleur, ça, par contre. Mm-hmm. Ouais. OK. Abraham, si on parlait un peu maintenant, il y a eu une entrevue qui a été faite avec Francis Lafrenière qui évoluait, qui jouait pour dans l'organisation des Braves d'Atlanta. Et Francis Lafrenière mentionnait que les joueurs dans le A gagnaient à peu près 1 200 $ par mois. C'est pas beaucoup, ça. Comment tu réussis à vivre? Est-ce que tu réussis à bien manger? Est-ce que tu réussis à faire une vie potable quand même? Oh, ouais, je dirais que c'est pas mal. La majorité de l'argent s'en va pas mal dans la nourriture, tu sais, c'est sûr que tu peux pas économiser avec cet argent-là. Pas mal, tout cet argent-là est dépensé, mais c'est pas mal tout en bouffe que ça s'en va. Puis vous êtes 3 ou 4, je pense, à vous payer un appartement, c'est ça? Ouais, c'est ça. ouf, que ça doit être assez difficile à gérer quand même tout ça. Est-ce que tu aimerais ça que, peut-être, après avoir écouté Francis Lafrenière, je me disais, l'association des joueurs fait quoi là-dedans? Parce que t'es éventuellement, si t'atteins les majeurs, tu vas payer des cotisations. Trouves-tu que l'association des joueurs du baseball majeur pourrait vous aider plus? Ben, je pense que oui, c'est sûr. Il n'y a pas eu grand changement, je dirais, dans les dernières années, ce qui est côté de la vie des mineurs. Fait que je pense qu'effectivement, il pourrait peut-être faire un petit peu plus. OK. Abraham, tu donnes combien de temps pour atteindre les majeurs? Est-ce que tu pouvais répéter? Tu donnes combien de temps pour atteindre les majeurs? Pour atteindre Je me donne, c'est sûr, c'est dur à dire, mais je me donne, je dirais, d'ici 3 ans. OK. Est-ce que l'organisation des Astros, c'est peut-être la meilleure organisation pour ça? Parce que, tu sais, ils sont bourrés de jeunes, non? C'est peut-être pas la meilleure organisation pour aboutir, hein? Ben, eh bien, je suis pas préoccupé par ça, là. Si tu fais bien, c'est sûr que tu vas trouver une place. Si c'est pas avec les Astros, peut-être dans un échange, là, on sait jamais. OK. Est-ce que tu penses que tu vas être monté dans le 2A d'ici la fin de l'année? J'ai confiance en moi là, que je pourrais monter d'ici la fin de l'année. OK. Ben Abraham, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va te souhaiter, évidemment, on suit tes prouesses. C'est une belle saison que tu évolues avec l'équipe de la Caroline. C'est la même, pour les gens qui se posent des questions, c'est la même genre de calibre que les Blue Jays de Dunedin dans le Hartford. Et on va se reparler peut-être un autre tantôt. Ouais, merci beaucoup. Abraham Taureau qui évolue avec les Astros de Houston dans la filiale A de l'équipe championne.